Chapitre 4e. 15 jours s'étaient écoulés. Un soleil doux jetait ses premiers rayons sur l'habitation des herbages. C'était une de ces matinées fraîches, mais joyeuses, où la nature étale une fois encore les fleurs et la verdure que la gelée doit lui ravir le lendemain. Il était de bonne heure, et cependant déjà les habitants de la petite maison étaient sur pied. Dans la chambre du chevalier, on faisait des préparatifs de départ. Quelques petits paquets étaient jetés çà et là sur le plancher. Madame de Manneville, tout habillée, était assise dans un fauteuil. Mais on voyait à l'abattement répandu sur son visage, à la longueur de ses mouvements, que le principe de cette maladie qu'il avait tenue si longtemps alité existait encore. Le chevalier était sombre et silencieux. Octavie pleurait. Un cheval s'arrêta à la porte de la maison et le curé ne tarda pas à apparaître. Manneville lui tendit la main. « Vous venez voir, dit-il avec un sourire mélancolique, le départ d'une pauvre famille ?» Chassé de son toit héréditaire. Quel que soit notre malheur, vous n'entendrez aucun murmure. Vous le voyez, continua Manneville, nous n'emportons rien que nous n'ayons racheté avec la petite somme due à votre obligeance. Mon épée, mes titres de noblesse, la robe blanche de ma fille, un portrait de famille, voilà tout ce qui nous reste, tout ce qui nous appartient, maintenant. Monsieur le chevalier, dit le vieux prêtre d'une voix altérée, « pourquoi votre fierté vous oblige-t-elle de refuser les services d'une personne, monsieur le curé ?» reprit celui-ci avec fermeté. « Le sort en est jeté. Nous quittons les herbages pour toujours. Il ne nous reste plus qu'à dire adieu à ce modeste asile où nous avons passé des temps si heureux. »« Ne voulez-vous pas, dit le curé, en baissant les yeux avec embarras, revoir encore une fois votre petit jardin, votre volière, vos oiseaux ?»« Vous prévenez mes désirs. » dit Manneville tristement. « Oui, je veux revoir encore ces pauvres bêtes. Elles ne sont pas coupables si leur maître les a préférées au bonheur de sa famille. » La malade s'appuya d'un côté sur le bras de son mari, de l'autre sur l'épaule de sa fille. On descendit au jardin. Il y avait quelque chose d'imposant et de religieux dans cette promenade dernière d'une pauvre famille obligée de quitter son modeste héritage. Il semblait que la nature se fît plus belle encore que d'ordinaire pour augmenter ses regrets. À mesure qu'on approchait de la volière, une vive anxiété se peignait sur le visage du curé et des deux dames. Le prêtre profita d'un moment où le chevalier, enfoncé dans ses tristes réflexions, était incapable de remarquer ce qui se passait autour de lui pour montrer rapidement du doigt Madame de Manneville un épais cabinet de verdure en murmurant « Il est là !» Puis il s'approcha de Manneville. « Voici le moment le plus cruel pour vous, » lui dit-il. « Ces oiseaux qui vous étaient si chers, oh, je suis bien changé !» répondit le pauvre campagnard avec abattement. « Mes malheurs m'ont fait faire de tristes retours sur ma conduite passée. Nous allons voir, » murmura le curé avec émotion. Tout à coup, Manneville, qui était un peu en avance du reste de la compagnie, parut frappé de la plus vive admiration. Un sentiment indéfinissable de joie et d'étonnement se peignit sur ses traits. Il voulait parler. Il ne prononçait que des paroles entrecoupées. Les dames et le bon curé s'arrêtèrent en silence. Le moment de crise était arrivé. Manneville croyait trouver sa volière désolée et presque vide comme il l'avait laissée la veille. Oh, prodige ! La petite colonie était plus nombreuse, plus charmante que jamais. Elle était augmentée d'une foule d'espèces rares et curieuses que Manneville n'avait jamais possédées autrefois. Ses beaux hérons, ses bihoreaux, ses cormorans, auxquels il avait rendu la liberté quelques jours auparavant, semblaient être revenus d'eux-mêmes à leur cage et se promenaient gravement derrière leur grillage de laiton. Mais ce qui frappa surtout le chevalier, ce fut de voir à la place d'honneur un pigeon couronné, plein de vie et d'animation, gonflant avec orgueil sa gorge d'azur, étalant en éventail les plumes blanches qui ornaient sa tête et faisaient entendre un roucoulement majestueux. Cet instinct de l'amateur que Manneville avait cru mort en lui-même se réveilla tout entier. « Un pigeon couronné » s'écria-t-il. « Celui que je possédais n'était donc pas unique en France ?» Ce fut sa première pensée. « Qui est venu ici ?» reprit-il bientôt. « Que tout cela est beau, que tout cela est précieux, à qui appartiennent ces merveilles ?»« À vous, monsieur le chevalier, » dit une voix humble derrière lui. Un jeune homme vêtu de noir sortit d'une charmille. « Monsieur Charles Simon ?» s'écria Manneville au comble de l'étonnement. « Oui, un fils qui vient vous conjurer de pardonner à la mémoire de son père. » Le chevalier resta muet. Le curé s'approcha à son tour. « Monsieur le chevalier, » dit-il, ne résistez pas aux prières de ce bon jeune homme. Il a toujours gémi de l'injustice dont vous avez été la victime. À votre insu, il vous a comblé de bienfaits. Vous êtes encore légalement le maître de cette habitation. Monsieur Charles a anéanti l'acte de vente et la procédure. L'argent que je vous ai prêté, moi, pauvre prêtre vivant d'aumône, venait de lui. Pendant que vous le maudissiez, il veillait sur vous et sur votre famille. Quand je lui appris le désespoir que vous ressentiez de la perte de votre oiseau le plus cher, il est parti sur le champ pour Paris. Il s'est procuré à tout prix le seul individu de cette espèce qu'on ait pu trouver. Dites, monsieur, pour tant de soins, de zèle, de désintéressement, d'affection, ne lui direz pas que vous pardonnez à son père, à lui ? Charles, à genoux devant le gentilhomme, couvrait ses mains de larmes. Madame de Menneville et Octavie s'approchèrent timidement. Le chevalier hésitait encore. L'orgueil se révoltait sourdement, mais un regard jeté sur le pigeon couronné fit pencher la balance. « Je pardonne, » dit-il enfin en pressant le jeune homme sur son cœur. Puis il regarda Charles et sa fille qui baissaient les yeux. « Non, je ne me laisserai pas vaincre en générosité, » dit-il avec âme. « Monsieur Charles, embrassez votre femme. » Et pendant que les jeunes gens se livraient au plaisir de se revoir après une si longue absence, à l'espérance d'un bonheur prochain, il murmurait avec admiration. « Le plus beau pigeon de la terre, et cette fois l'unique en France. » Ainsi s'achève Une passion par Élie Berthet.